Ils sont là tout autour de nous. On les devine parfois. Ils nous attaquent, on les chasse, on les mange, ils nous dévorent. On les voit peu, mais on les entend. Pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, l'oursin violet. Certains l'appellent le hérisson des mers, d'autres la châtaigne des mers. Il existe un millier d'espèces différentes d'oursins, de toutes tailles, pouvant aller jusqu'à 30 cm de diamètre, de toutes couleurs, noir, blanc, vert, pourpre, voire même multicolore. Méfiance alors, car si la robe de l'animal est voyante, il y a de fortes chances pour que l'espèce soit venimeuse. On s'éloignera donc des piquants aux couleurs flamboyantes de l'oursin dit de feu ou du rose douceâtre de l'oursin fleur. L'oursin violet qui nous intéresse aujourd'hui se montre plus discret dans sa robe, mais nous concerne de plus près, car on le trouve sur quasiment tout le littoral européen, et notamment en Méditerranée. Très présent, aux côtés de l'oursin noir, moins apprécié pour sa chair. Physique particulier que cet animal au corps rond, bardé de piquants, qui possède une bouche, nommée lanterne d'Aristote, munie de 5 dents, puissantes et effilées. Autre détail piquant, des organes génitaux orange, disposés en étoile, que les Français et les Japonais, deux peuples friands d'oursins, mangent avec délectation en appelant ça le corail. Posé au fond de l'eau, l'oursin se sert de ses piquants pour se défendre des prédateurs, mais aussi pour se déplacer. Et lorsque l'animal se promène, cela donne ce son, mélange de craquements de squelettes et de frottements de piquants les uns contre les autres. Un son léger que l'on peut difficilement entendre lorsqu'on met la tête sous l'eau, contrairement au bruit de bouche que l'oursin fait lorsqu'il mange. Son tout à fait audible. On dit même qu'il broute, son régime alimentaire étant généralement composé d'algues vertes et de plantes aquatiques. Il ouvre la bouche, sa fameuse lanterne d'Aristote, puis, en la refermant, produit alors un son qui résonne dans tout son squelette. Il s'avère que des chercheurs en écologie acoustique se sont penchés sur les sons que produit l'oursin. Des sons caractéristiques de l'espèce, sorte de signature sonore qui nous permet de le reconnaître entre mille dans la mer. Ils ont posé des hydrophones auprès de différentes communautés d'oursins noirs et violets, leur permettant de savoir si les animaux mangent avec appétit et de voir comment ils évoluent au fil du temps, en fonction des paramètres environnementaux tels que des changements de température, l'oxygène, la présence de polluants. Car l'oursin est très sensible à la pollution et ne s'épanouit pleinement que dans une eau bien propre, faisant de lui une véritable sentinelle de l'environnement et nous permettant ainsi de prendre le pouls de la mer. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnet avec la complicité de Lucia Di Iorio, de la Fondation Grenoble INP et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret.